Nous poursuivons donc dans cette année de la miséricorde la lecture de l'Évangile selon saint Luc. Saint Luc est le grand évangéliste de la miséricorde et aussi de l'Esprit-Saint et de la Vierge Marie. Et c'est lui qui nous guide tout au long de cette année. Mais d'abord, la première lecture met en parallèle ce passage de l'Évangile, un événement de la vie du prophète Élie, qui consiste dans, au fond, la transmission de son pouvoir prophétique à Élisée. Il jette son manteau sur lui, c'est comme s'il, par son autorité, il prenait possession de lui, et Élie accepte de quitter ses bœufs pour courir derrière Élie, et il va donc immoler ses animaux avec le bois de l'attelage, puis ils se mettent à la suite d'Élie, à son service, comme si, d'une certaine manière, il lâchait un joug pour en prendre un autre. Il obéit à l'esprit prophétique, cet esprit qui est un esprit de liberté, un esprit qui saisit un homme et qui le fait l'instrument pour la proclamation de la parole de Dieu. Donc la liturgie nous met cela en parallèle avec l'appel de Jésus qui est assez semblable quand il dit « Suis-moi », mais qu'on lui répond « Je vais d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison » et Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Donc, si Élisée a obéi à l'esprit prophétique qui était sur Élie, a fortiori, il faut obéir à celui qui est sur Jésus, car Jésus n'est pas n'importe quel maître, c'est Dieu lui-même qui parle dans son humanité. Et nous sommes dans cet évangile de Luc, dans la deuxième grande partie de son récit. La première, eh bien, relate la période plus charismatique du ministère du Christ. Il est essentiellement en Galilée. Il prêche, il attire les foules, il fait des miracles, on lui apporte tous les malades de la région et on veut en faire un roi. Rappelez-vous que la semaine dernière, Jésus a demandé à ses apôtres « Pour vous, qui suis-je ?» Ils lui répondent « Tu es le Messie ». Et ensuite, il leur annonce qu'il doit souffrir beaucoup et mourir de la main des anciens. Parce que cette deuxième partie de l'évangile de Luc, dramatique, est celle où Jésus prend donc résolument la route de Jérusalem. Et c'est là qu'il va tout perdre pour nous le salut. C'est comme si, selon l'expression prophétique, il durcit son visage, c'est-à-dire que sa détermination est absolue. Il n'est pas venu dans ce monde pour faire sa volonté, mais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et cette volonté, c'est qu'il n'en perde aucun de ceux qu'il lui a donnés. Donc Jésus avance et il dit « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et de fait, il va quitter la maison de Capharnaüm, qui était son quartier général, et il n'a plus d'endroit où reposer la tête que sur la croix, où il remettra dans les mains de son Père son esprit, sa vie. Et il nous entraîne dans cette radicalité. Dans ce chemin, comme dit Paul, j'oubliant le chemin parcouru, je vais droit devant, tendu de tout mon être, vers le but et la récompense que Dieu nous a appelés à recevoir dans le Christ Jésus là-haut, dans les cieux. C'est pourquoi il réplique durement à cet homme qui lui demande d'aller enterrer d'abord son père, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Bien sûr, il ne faut pas comprendre cela dans un sens littéral, puisque c'est un commandement de Dieu d'honorer son père et sa mère. Mais il y a quelque chose de radical et d'absolu dans cet appel. Qu'est-ce que c'est ces morts qui enterrent leurs morts? Saint Augustin dit qu'il y a deux sortes de morts. La première, c'est quand l'âme sort du corps, c'est la mort physique. Et la mort spirituelle, c'est quand la foi sort de l'âme. Et c'est de cette sorte de mort dont il est question ici. Parfois, quand on fait des funérailles, je peux vous dire qu'on a l'impression qu'il y a plus de morts dans l'assemblée que dans le cercueil, tant on sent peu la foi qui anime les âmes. Donc, il y a une urgence de donner la vie éternelle. La vie éternelle nous est donnée gratuitement, moyennant la foi. C'est ce que nous dit l'Épître aux Galates que nous lisons en ce moment. C'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Et cette grâce de la foi, qui s'est sacramentellement réalisée dans le baptême, nous a donné cette liberté prophétique de vivre dans l'Esprit Saint et de ne pas retourner à l'esclavage. Ici, on parle de l'esclavage de la chair. Il ne faut pas nécessairement le comprendre au sens sexuel. La chair, pour Paul, curieusement, c'est la loi. Étonnant. Oui, parce que les Juifs étaient juifs par une opération dans la chair. Les mâles étaient circoncis. Pour Paul, cette loi est incapable de nous apporter le salut qui est la vie éternelle. Paul ne veut pas que les Galates retournent à l'observance des 613 commandements de Moïse, parce que cela ne rend pas un homme juste. Ce qui rend un homme juste, encore une fois, c'est que le Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Et ce salut nous a apporté une liberté dans l'esprit, une loi nouvelle. Cette loi, c'est la loi de l'amour. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus. Donc, toute la loi que Paul vient d'une certaine manière de révoquer, il la rétablit, toute la loi s'accomplit dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais cette loi nouvelle, ce n'est pas un commandement de plus, ce n'est pas un poids de plus qui nous écrase. C'est une loi intérieure qui nous est communiquée, encore une fois, par le don du Saint-Esprit. C'est l'Esprit-Saint qui nous donne d'aimer en lui, par lui, avec lui. Nous nous aimons les uns les autres avec l'amour même dont Dieu s'aime. Car l'Esprit-Saint, c'est le cœur de Dieu. C'est l'amour du Père et du Fils. Vous vous rendez compte de quel don nous recevons, frères et sœurs? Ne retournons pas à l'esclavage d'une religion moraliste étriquée, étouffante et culpabilisante, mais entrons dans cette liberté de l'amour qui nous est communiquée par la force du Saint-Esprit et qui nous fait accepter cette radicalité de l'Évangile. Hier, nous avions le colloque sur la guérison de la mémoire. Il y avait Brigitte Bédard, que certains connaissent, elle avait témoigné à la soirée Resplendie. Et puis, elle raconte comment dans sa jeunesse perturbée, quand elle avait fait son coming out de lesbienne, tout le monde l'avait applaudi. Et ensuite, quand elle a fait son coming out chrétien, tout le monde l'a abandonné. Mais elle a vécu une incroyable transformation intérieure, une espèce de folie, de liberté. Et elle a laissé les morts enterrer leurs morts. Elle est partie annoncer l'Évangile, parce qu'elle a compris que Dieu est vivant, que Jésus est son Sauveur, que lui aussi est vivant et qu'il nous a donné l'Esprit Saint qui permet de commencer une vie nouvelle. Pour elle, ça a été une restauration, notamment dans sa sexualité, dans sa féminité, mais aussi une guérison de la mémoire, c'est-à-dire un regard rétrospectif sur sa vie où elle s'aperçut qu'elle avait été empoisonnée par toutes ces idéologies d'un certain féministe, parce qu'elle est toujours féministe, mais qui, au fond, avait blessé sa féminité. Et donc, elle se met à annoncer l'Évangile dans cette liberté nouvelle. C'est cette liberté que Jésus voudrait nous donner, qu'il nous donne à chaque fois qu'il nous renouvelle dans l'Esprit Saint, pour que nous mettions aussi la main à la charrue, sans regarder en arrière, comme Paul, tendu de tout mon être vers le but, à la fin de recevoir le prix que Dieu nous a appelés à recevoir dans les cieux par le Christ Jésus, la vie éternelle qui est déjà commencée dans notre âme. Donc, frères et sœurs, réjouissons-nous de ce que Dieu a mis son manteau sur nous par le baptême. Nous avons reçu cet esprit de liberté. Nous sommes appelés à être prophètes, à ne pas revenir en arrière, à une vie triste, une vie étroite, une vie large, ouverte, enthousiasmante, où nous sommes appelés à annoncer le règne de Dieu qui est déjà au milieu de nous. Amen.